Eline Bell, Nivigira. Et puis Tass Ndayishimiye assure la mise en onde. On s'excuse pour les minutes que nous avons enregistrées de retard. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici tout d'abord les principaux titres. Une personne de la commune Nyabitinda, en province de Luyigi, a été attaquée à son domicile. Le policier qui l'a attaqué a été déjà arrêté, vous l'entendrez tout à l'heure. Et c'est désormais interdit pour les femmes et filles non accompagnées de leur mari de la commune de Musongati, en province de Lutana, de fréquenter les bistrots au-delà de 19h. C'est la mesure prise par l'administrateur communal de cette commune en début de cette semaine. Vous entendrez les motivations. Et c'est ce vendredi qu'a été enterré le célèbre joueur de l'équipe nationale Inhamba Murugamba, Papi Fati, que ce soit le représentant de sa famille, que ce soit les représentants du ministère, tous saluent la bravoure qu'il a toujours caractérisé. Et on a également la chronique environnement aujourd'hui. On va vous parler des conséquences de la destruction ou la déforestation. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Un certain François Ndarishikanye a été attaqué à coups de fusil dans cette nuit dernière à son domicile au marché de Mouhouadien, commune Nyabitinda de la province Luyigi. Après ce coup raté, le dit policier a été arrêté par la population qui l'a immédiatement conduit à la position policière de Mouhouadi. Le commissaire provincial de la police confirme que ce policier a été arrêté et demande à la victime de préparer sa plainte pour que le dit policier soit traduit en justice. Toujours en poche sécurité, les autorités administratives et policières en province de Moalo conseillent à la population de cette province d'informer à temps les personnes habilitées sur tout fait inquiétant. Le conseil ressort d'une réunion de sécurité tenue ce jeudi par le gouverneur de la province de Mgalo sur la colline Kilambian commune Nyabihanga. Sur cette même colline, un incident a eu lieu il y a plus d'une semaine où trois personnes, dont le commissaire communal de Nyabihanga, ont trouvé la mort dans une attaque de bandits armés. Laurent Dicolio, correspondance. Selon Adrien Nzunimana, administrateur de la commune Nyabihanga en province Moaro, la sécurité est globalement bonne dans sa commune. Il signale pourtant que cette sécurité est quelquefois perturbée par des cas de vol dans les ménages, dans les boutiques et même ceux liés au gros bétail. Il précise que ces derniers jours, un phénomène nouveau s'observe dans la zone Nyabihanga de cette commune où des malfaiteurs non encore connus coupent méchamment les plantes pendant la nuit. Selon le commissaire provincial de la police à Moaro, Agaton Kassa, il ne faut pas que la population garde en secret ce qu'elle remarque comme fait inquiétant. Il faut qu'elle informe dans les meilleurs délais les autorités habilitées sur toute situation qui suscite des soupçons. Il précise que la collaboration dans le cadre de la quadrilogie doit être le mot d'ordre de la population. Le gouverneur de la province Moaro, Jamaïna Karegwa, dit que le renforcement des comités mixtes de sécurité permettra d'endiguer le phénomène de banditisme. Les chefs de colline doivent remplir régulièrement les cahiers de ménage pour éviter que des personnes mal intentionnées puissent commettre leur forfait en provenance d'autres localités. Rappelons qu'au cours de la nuit du 1er au 2 mai de cette année, le commissaire communal de la police en commune Nyabihanga est mort suite à une attaque de bandits armés sur la colline Kilambi. Et le 25 avril de cette année, d'autres bandits avaient blessé un veilleur à la paroisse Kiwungere dans la même commune de Nyabihanga. Depuis la commune Nyabihanga, en province Moaro, Laurent Dicolio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dicolio. Après cette page sécurité, tout à l'heure, après une courte pause, on va passer en page société. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, société, comme je vous le disais, mais je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur Facebook, c'est live, il suffit d'aller sur Facebook, écrivez Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Interdiction aux filles et femmes non accompagnées de leur mari légaux de fréquenter les bistrots ou les marchés au-delà de 19h en commune de Musongati de la province Lutana. C'est la mesure prise par l'administrateur de cette commune. C'était en début de cette semaine. Jean Damasen Arakaza explique que sur presque toutes les collines de sa commune, il s'observe depuis un certain temps certaines femmes qui passent dans des débits de boissons jusqu'aux heures avancées alors qu'elles ne sont pas avec leur mari. Il ajoute que cette situation cause l'insécurité dans les ménages, la débauche, les querelles, des insultes et la violation de la culture et mœurs burundaises. Il demande au comité mixte de sécurité de combattre ce phénomène en vue de mettre en application cette mesure. Cette autorité administrative communale prévient les jeunes que les sorties nocturnes finissent par les vagabondages sexuels, les grossesses non désirées, les mariages précoces et le banditisme. Toujours en page société, des jeunes qui ont terminé leurs études universitaires se sont mis ensemble pour mettre en place une unité de transformation de la patate douce en farine dans le quartier Songa de la zone urbaine de Kamenge. Ils témoignent que grâce à cette unité de transformation, ils peuvent s'acheter des vêtements ou se déplacer sans toutefois demander de l'aide à leur famille. Cependant, ces jeunes font face aux défis matériels et demandent un appui. Visiblement, l'élément n'est pas prêt. Aussitôt qu'il est prêt, on va vous le balancer. Et les ouvriers œuvrant sur différents chantiers doivent savoir qu'il est de leur droit de se faire assurer pour travailler en toute sécurité. Cependant, la plupart de ces ouvriers des bâtiments ne sont pas assurés et par conséquent ne réclament rien en cas d'accident de travail selon la société de suivi et demande d'œuvres pour les ouvriers de bâtiments. Au cours d'une conférence de presse, le directeur général de cette société a appelé au gouvernement à pied dans la sensibilisation pour que ces ouvriers puissent faire valoir leurs droits. L'élément n'est toujours pas prêt, mais tout à l'heure, juste après une courte pause, on va passer en page environnement. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le fait que l'eau de la rivière Lubobou est toujours boueuse, cela prouve à suffisance l'altération continue des terres suite à la négligence de certains Burundais. C'est le constat du secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage à Guitéragny, où des habitants tracent des anti-érosives sur ces collines. Il appelle les moniteurs agricoles et les administratifs à la collaboration pour plus de mobilisation aux travaux de protection de l'environnement tous les jeudis. Dieudonné Nzeyimana pour plus de détails. Sur la colline Guitéragny, tous les moniteurs agricoles de la commune Guitéragny, en compagnie des résidents, tracés des haies anti-érosives. Jeudi, à Guitéragny, comme ailleurs, la protection de l'environnement reste une nécessité. Badende Jumayine est conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga. Il signale que par endroits, les collines n'ont pas de haies, des courbes tracées ne sont pas entretenues dans une localité en proie aux menaces environnementales, même si jusqu'ici, les productions sont bonnes en agriculture. Même son de cloche du côté du secrétaire permanent au ministère en charge de l'agriculture, élevage et environnement, citant pour illustration l'eau boueuse de la rivière Rubobu. Emmanuel Ndolimana. Il invite les habitants d'aller visiter la confluence de la Nyabarongo avec la Rubobu, c'est la Kagera, non loin de Guitéragny. L'eau en provenance du Burundi est très chargée en boue, rêve que notre terre s'amenuise à matière fine, partant avec les eaux de ruissellement vers les rivières. Sur terrain, des moniteurs agricoles réclament plus de soutien pour pouvoir contraindre les populations à répondre massivement aux activités de protection de l'environnement programmées chaque jeudi. Le ministère en appelle au changement de mentalité. Sans pression, chaque Burundais devrait répondre aux activités dédiées à l'environnement. Dans toute la province, en un mois, des haies anti-érosives ont été tracées sur une quinzaine de kilomètres, plus de 30 000 plants d'eucalyptus desséchés non loin des sources d'eau dans la province de Muyinga. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Je vous l'avais dit en titre, Papi Fati, l'ancien joueur de l'équipe nationale Intamba Murugamba, a été enterré avec dignité ce vendredi au cimetière de Manda. dans les différents discours prononcés par le représentant de sa famille, ses amis et les représentants du ministère de la Culture et Sport, tous reviennent sur la sagesse et la bravoure de Papi Fati Suvé, Godefroy Hakidimana, secrétaire permanent ministère de la Culture et Sport, qui appelle les Burundais en général et sportifs en particulier de suivre l'exemple de Papi Fati. Nasi turamutse dushingura miteka umukinyi w'umupira w'amaguru Papi Fati. Aujourd'hui, nous enterrons dignement l'ancien joueur de l'équipe nationale, Papi Fati. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille éprouvée, sans oublier la Fédération burundaise de football et l'équipe nationale Inhambamurugamba et tous les amateurs du football. Papi Fati était un brave homme, raison pour laquelle, au sein du ministère de la Culture et du Sport, nous avons été surpris de sa mort inopinée. Il s'est donné corps et âme lors du match qui a donné la qualification à notre pays dans les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les Burundais en général et les sportifs en particulier, nous n'oublierons jamais la sagesse et la détermination de ce jeune homme. Il a donné une bonne image du Burundi à l'étranger. Nous demandons aux autres joueurs de suivre son bon exemple. C'est Godefried Hakidimana et non Godefroy Hakidimana, comme je le disais tout à l'heure. Et je reviens sur l'élément en rapport avec la société des jeunes qui ont terminé leurs études universitaires. Se sont mis ensemble pour mettre en place une unité de transformation de la patate douce en farine dans le quartier Songa de la zone urbaine de Kamengem. Ils témoignent que grâce à cette unité de transformation, ils peuvent s'acheter des vêtements ou se déplacer sans toutefois demander de l'aide à leur famille. Cependant, ces jeunes font face aux défis matériels et demandent un appui. Reportage signé Joyce et les stagiaires à la radio Isanganiro. Cette unité de transformation de la patate douce en farine et d'autres produits divers portant le nom de Sweet Potato Company se trouve dans le quartier Songa, 8e avenue numéro 20. Elle regroupe 18 jeunes qui ont terminé leurs études universitaires. Un de ces jeunes indique que la motivation qui les a poussés à mettre en place cette unité de transformation des produits agroalimentaires, notamment la patate douce, est la formation reçue en rapport de l'entrepreneuriat pouvant juguler le chômage. Alors, pour avoir un capital nécessaire, ces jeunes font savoir qu'ils ont procédé par la contribution dépendamment de leurs moyens. Grâce à cette unité de transformation des patates douces en farine, des autres jeunes affirment qu'ils sont capables de subvenir à certains de leurs besoins, notamment s'assurer les frais de déplacement. Cependant, certains défis auxquels ils font face sont le matériel et le capital insuffisant. Ces jeunes entrepreneurs du quartier Songa de la zone Kamenge appellent les autres jeunes qui ont terminé leurs études universitaires mais sans emploi à être créatifs pour éviter de passer un long moment à attendre un emploi incertain. Merci Joyce. Les ouvriers œuvrant sur différents chantiers doivent savoir qu'il est de leur droit de se faire assurer pour travailler en toute sécurité. Cependant, la plupart de ces ouvriers de bâtiments ne se fassent pas assurer et par conséquent ne réclament rien en cas d'accident de travail selon la société de suivi de main d'œuvre pour les ouvriers du bâtiment. Au cours d'une conférence de presse, le directeur général de cette société en a appelé le gouvernement à appuyer dans la sensibilisation pour que ces ouvriers puissent faire valoir leurs droits. Suivez Amos Niyoguseruka. C'est vrai, il y a eu des doléances, je peux dire ainsi, à ces familles-là, de ces ouvriers qui ont déjà rencontré avec ce genre de difficultés. Puisqu'il n'y avait pas une autre institution, ça a été difficile pour eux. Alors on espère que ces familles-là aura un souffle de soulagement. Tout le monde a besoin d'assurance. Alors, c'est une occasion pour eux d'y être pour que leur métier soit plus sécurisé, pour que leur métier soit plus rassuré, pour qu'ils travaillent en toute tranquillité dans leur métier. C'est donc, on espère que suite à cet exemple, le gouvernement va pouvoir comprendre que c'est mieux d'être en collaboration pour que ces services-là, comme aurait fait à ces ouvriers du bâtiment, soient en toute tranquillité, en sécurité. Puisque, comme vous l'avez entendu, on travaillera aussi avec les institutions, je peux dire sécuritaires, donc les institutions gouvernementales en charge de la sécurité nationale, pour que ces ouvriers du bâtiment ne se sentent protégés. Et les élections qui viennent de se tenir en Afrique du Sud peuvent servir de modèle pour le Burundi qui se prépare pour les élections de 2020 selon le politologue basé dans ce pays. Posé nom d'Aïsenga, le calme qui règne dans ce pays après ces élections est le fruit du bon climat qui a été observé pendant la période de la campagne où tous les partis politiques étaient traités au même pied d'égalité. Suivez le politologue Zenon Daïsenga qui a été joint au téléphone par Placide Niumongere. En général, la population se porte très bien. D'abord, ce que j'insisterai à dire, c'est qu'avant les élections, tous les partis politiques étaient libres à faire leur campagne électorale. Et une grande différence, c'est que les partis d'opposition ont un grand intérêt libre pour faire leur campagne afin de voir s'ils peuvent arriver au pouvoir. Les membres ne cachaient pas ce qu'ils vont voter. Les résultats qui viennent de la commission qui est chargée des élections, il y a l'ANC qui est devant, avec un pourcentage qui est très appréciable. On voit aussi que l'opposition n'a pas avancé comme le monde prétendait. La majorité pensait que peut-être l'opposition allait avoir aux environs de 40%, mais ça n'a pas été le cas. Tout le monde est calme. Les candidats, ils n'ont pas de prétexte pour avancer avec de nier ce qui est venu des élections. La CENI du Burundi, ce qu'elle devrait prendre comme modèle à celle de l'Afrique du Sud, c'est que d'abord, la commission électorale d'ici est très impartiale et puis elle n'a rien à cacher. Elle expose tout, elle ne cache rien. Ce que d'abord le Burundi doit prendre comme modèle à l'Afrique du Sud, c'est le tempérament avant les élections. Il y a eu un bon environnement qui a marqué la période pré-électorale et surtout pendant la campagne électorale, il y avait intérêt pour tout. On dirait qu'il y a eu la liberté totale. Ce que le Burundi prendrait comme un modèle, il faut que les élections soient tenues comme une période de transition, là où tout le monde peut avouer ce qui sort comme résultat, mais pas comme une période là où tout le monde va se sentir effrayé qu'après les élections, il va y avoir des tensions. Zenon Daïsenga, il est politologue basé en Afrique du Sud et jusqu'ici, les résultats provisoires de ces élections montrent que le parti présidentiel ANC vient en première position sur plus de 57% des suffrages exprimés. Radio Isanganiro, chronique environnement. La destruction ou la déforestation a des conséquences sur plusieurs points car l'air que l'homme respire n'est pas purifié. Selon Frédéric Evangelinama, la capacité de reproductivité diminue au fur et à mesure qu'on coupe un arbre. Ce professeur d'université et chercheur environnementaliste lance un appel au gouvernement d'adopter un grand projet de remplacer les vieux arbres. Chronique environnement avec Christelle Anitika. Dans notre précédente chronique environnement, Frédéric Evangelinama nous a fait un état des lieux des forêts au Burundi. La couverture avoisine 6,7%. Aujourd'hui, ce professeur d'université et chercheur environnementaliste va nous parler des conséquences liées à la déforestation, notamment au niveau climatique. Les arbres constituent des poumons du sol et de la terre, puisque avec la photosynthèse également, ils produisent de l'oxygène, qui est un gaz que nous respirons, que tout animal a besoin pour vivre. Ils épurent également l'air. C'est également les arbres qui protègent l'infiltration de l'eau. En s'infiltrant dans la nappe phréatique, il va passer par un sol qui n'est pas dénudé. Les boisements d'eucalyptus qui ont été plantés à l'ère coloniale, après la coupe, la capacité de reproductivité va en diminuant. Nous avons des boisements d'eucalyptus qui ont été plantés à l'ère coloniale, avant les indépendances. Et à chaque fois qu'on coupe, ça régénère. La capacité de croissance va en diminuant de façon qu'après une coupe aujourd'hui on peut attendre 10 ans pour avoir un arbre de 10 mètres, ce qui n'est pas le cas pour un arbre qui est fraîchement planté, qui en 10 ans on peut espérer qu'il peut avoir plus de 50 mètres avec un diamètre de 30 cm. Selon ce chercheur environnementaliste, il faut adopter une nouvelle stratégie de plantation des arbres. Je propose qu'on fasse des boisements à ligne. Imaginez-vous si on devrait prendre toutes les pistes listes que nous avons au Burundi, les routes que nous avons, que ce soit les routes nationales, les routes provinciales, les routes communales, même les pistes sur la colline, et qu'on planterait les arbres en ligne sur les deux côtés. On pourrait avoir des forêts, ça doit savoir. Même si le gouvernement a déjà initié un programme de reboisement à travers le projet Ewe Burundi Rambaye, selon Frédéric Bangirina Ama, il devrait aussi adopter un grand projet de remplacement des vieux arbres. Il faut tout d'abord reboiser. Il faut également avoir un grand projet de remplacement des boisements vieux, mais également à planter des arbres agroforestiers, à protéger les bandes des rivières ou les sources d'eau. Et tout ça, si toute la population devrait suivre cet exemple, on devrait inévitablement cheminer vers une bonne protection de nos forêts. Lorsqu'il y a un problème, on a besoin de le satisfaire. Selon Frédéric Evangelina Ama, il faut trouver un compromis entre un environnementaliste, un économiste et un homme qui a besoin de vivre. Merci Christelle Anise également. Ainsi s'achève cette édition. Mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle que c'est désormais interdit pour les filles, les femmes et filles non accompagnées de leur mari dans la commune de Musongati de la province de Lutana de fréquenter des bistrots au-delà de 19h. C'est la mesure qui a été prise par l'administrateur communal au début de cette semaine. Et c'est ce vendredi qu'a été enterré le célèbre joueur de l'équipe nationale Namba Murugamba, Papi Fati, que ce soit sa famille, ses ex-coéquipiers ou le ministère ayant le sport dans ses attributions. Tous saluent son bravoure. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Epitas Sandei Chimie pour la mise en onde d'Eli Nibel Nibigre jeté à sa présentation. Excellent après-midi à tous. Au revoir. Thank you.